Portrait d'assaut sur Fadjet. L'association Lorraine Culture du Monde organise ce week-end des 1, 2 et 3 septembre le festival Voyage entre imaginaire et réalité destination Vosges, entre le camping du Mété à Vanier et les jardins de Bernadette. Denis Aubry, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Lorraine Culture du Monde, une association que vous avez créée en 99. En 1999. C'est ça. Et c'est une association qui a beaucoup d'âge, mais qui a été mise en suspens suite au départ, l'expatriation des membres principaux. J'avais décidé de conserver cette association. Elle a été relancée donc avec une nouvelle équipe en 2020 pour la première édition du Festival Voyage. Et puis cette année, effectivement, on a rajouté Destination Vosges, puisqu'on s'est concentré, contrairement au premier festival qui était vraiment très très large sur le thème du voyage, sur les Vosges. Alors, on va revenir sur tout ça, sur la première édition, sur l'édition qui arrive ce week-end. Un mot, bien sûr, sur l'association Culture du Monde. Donc, revenir un peu sur les origines. Quel était votre objectif à l'origine de cette association? Alors, c'est un petit peu compliqué, comme souvent les associations. Donc, c'est suite à une mission militaire que j'ai faite en Éthiopie, en 1997, où je suis intervenu. À l'origine, maintenant je suis à la retraite, j'étais enseignant spécialisé. Et puis, j'ai découvert une petite annonce à l'école normale de Maxéville, où on appelait des enseignants pour venir former les enseignants dans les camps de réfugiés en Éthiopie, les camps de réfugiés des Afar. Oui. Ce qu'on a oublié, mais à cette époque-là, il y avait une guerre civile entre Afar et Issa. Et donc, en rentrant, j'avais pris la décision de les aider, donc de créer une association pour les soutenir, qui devait être une association nationale d'ailleurs, parce que l'association s'appelle Lorraine Culture du Monde, parce qu'il devait y avoir Bretagne Culture du Monde, il devait y avoir Auvergne Culture du Monde, différentes personnes qui étaient sensibilisées en France à cette cause. Bon, il n'y a que Lorraine Culture du Monde qui a vraiment perduré. Suite à ça, on a organisé une conférence. D'ailleurs, Fadjet est un petit peu à l'origine de cette association, puisque suite à cette conférence, nous avons fait une émission, on avait reçu le président de l'association des réfugiés Afar en France, et on a eu une belle émission d'une heure à Fadjet. Et en sortant de cette émission, on s'est retrouvé les membres qui voulaient soutenir donc ce peuple Afar, et on a décidé de créer cette association. Ça s'est créé tout simplement comme ça, après une émission de radio, vous les réécoutiez en même temps, je crois que c'est ça que vous voilà, disiez. Voilà, oui, hein, c'est pendant ces discussions, à l'époque c'était encore les cassettes, Fadjet nous avait donné l'enregistrement sur cassette, on avait cette émission en bruit de fond, la discussion a amené à la création de Lorraine Culture du Monde. Et vous nous l'avez dit en introduction, il y a eu une pause de quelques années dans cette association, mais vous l'avez relancée en 2020. Comment ça s'est fait justement Disons que l'association existait toujours parce que j'étais le seul et dernier ultime membre. Donc je ne pouvais pas la dissoudre puisqu'il faut être trois membres pour une assemblée générale extraordinaire. Et donc je l'ai laissé survivre en me disant peut-être qu'un jour on va la relancer. Et effectivement, l'occasion était là, puisqu'une une association support pour créer lancer donc la première édition du Festival Voyage. Oui. Et on a bien fait. Voyage entre imaginaire et réalité. Revenons un peu sur cette première édition. Pourquoi l'avoir relancée? C'est encore des rencontres aussi? Ce qui s'est passé, parce que Lorraine Culture du Monde, ça a aussi une signification. Hein. Chaque mot est important. Bon, oui. Lorraine, je vais vous expliquer pourquoi. Culture du Monde, parce que on s'est aperçu que pour faire de l'humanitaire, aider une cause comme celle des réfugiés Afar d'Éthiopie, il fallait que les gens soient sensibilisés à ce peuple. Il fallait le faire découvrir, parce que les Afar, à part le territoire des Afar et des Issa, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, quel est un des meilleurs moyens pour connaître un peuple, c'est tout ce qui est culture. Et on avait l'idée de faire venir des Afar, de faire des concerts, de faire des expositions. Et c'est comme ça que Lorraine Culture du Monde, qui au départ était purement à but humanitaire, est devenue aussi culturelle. Et c'est en quelle année cette première édition alors? Alors la première édition était en septembre 2021. Voilà. Très mauvaise date, puisque c'était juste à la sortie du Covid. C'était un très gros festival qui a duré un mois. Alors, il y avait deux week-ends de grosses animations. Entre-temps, il y avait aussi des animations le mercredi, notamment à Ulmont avec la Compagnie des Ânes. Et alors, pourquoi je dis un mois? Parce qu'on a eu des expositions, notamment une exposition de Joël Coucheron. On était sur cinq sites. On avait à peu près une quarantaine d'intervenants, d'exposants. C'était vraiment quelque chose d'énorme. Et ça a pu se créer grâce au soutien de partenaires, notamment la mairie de Maxéville. On a eu Super U, je peux en reparler parce que Super U est à nouveau un extraordinaire partenaire. Et bon, Super U, on pense supermarché, mais on ne pense pas, enfin ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que par exemple le Super U de Vanier a toute une éthique. Ce n'est pas une association, mais c'est un espèce de collectif qui, entre autres, se donne pour mission de soutenir tout ce qui peut se passer dans la région, au niveau social et culturel. Donc des partenaires essentiels pour rendre ce genre d'événements possible et qui seront aussi présents cette année. On le rappelle, c'est ce week-end des 1, 2 et 3 septembre, la deuxième édition du Festival Voyage entre imaginaire et réalité, cette fois destination Vosges. Oui, alors comme je vous avais dit, le premier festival était vraiment couvrait le monde entier. On avait des experts, des grands voyageurs, on avait des artistes. Pourquoi il s'appelle d'ailleurs Voyage ? Ça, on peut comprendre entre imaginaire et réalité, parce que ça partait du constat qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas partir au bout du monde. Et on peut très bien voyager, découvrir des cultures, découvrir des paysages par les arts. Comme je dis toujours, on va visiter une exposition de Gauguin, c'est en Polynésie. On va écouter un concert de musique brésilienne, on ferme les yeux et ça y est, on est dans l'ambiance brésilienne. Et en plus, actuellement, on parle beaucoup de la problématique de l'hypertourisme, on parle de la problématique des transports aériens. On peut voyager, par l'imaginaire, par sa tête, par les arts. Et puis faire découvrir aussi que le voyage, il commence à sa porte, même dans son jardin. Les naturalistes le savent très bien. Mais on peut aussi découvrir ou redécouvrir des régions qui sont très proches, notamment les Vosges. Les Vosges, donc, qui vont se présenter en photo. Pour le photographe que vous êtes, c'était incontournable. Et cet hommage à Joël Coucheron aussi. C'était tout un enchaînement de rencontres, parce que ça fait donc depuis la première édition qu'on me presse énormément, moi et l'association, pour faire une deuxième édition. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qui est beaucoup trop lourd à mener seul sous le format qu'on avait fait le premier. Donc on était parti au départ d'une conférence qui devait accueillir Christophe Toussaint, qui est fabricant d'épinettes. Et puis c'était une rencontre avec Eric Legros, qui est le gérant du camping du Métais à Vanier, qui nous a proposé de nous accueillir. Et c'est souvent comme ça, y a un réseau qui va se mettre en contact avec un autre réseau, et puis ça s'est étoffé à partir d'une conférence, on y a rajouté des concerts, on y a rajouté des expositions. Et puis Joël Coucheron, bien entendu, qui était un invité du premier festival, était incontournable, puisqu'il est de Sapois, à côté de Vanier. Oui. Et c'est vraiment un regard humaniste que les Lorrains connaissent beaucoup. Ces images, comme je dis toujours, sont connues, surtout en Lorraine, mais on ne connaît pas le personnage Joël Coucheron. Et là, il nous a quittés maintenant il y a un an, et on voulait lui rendre hommage. Et notamment, on a le grand plaisir de récupérer par l'association de Vincent Munier, qui est aussi du secteur, l'exposition, ce sont des grands formats sur Libon, une exposition extérieure qui était la dernière édition de Montier-Ander et qu'on va réinstaller au camping du Métais. Avec son épouse qui sera présente pour... Alors Blandine, son épouse sera présente. Elle s'est vraiment investie, elle nous a vraiment soutenus. Elle sera sur place, à l'occasion de la rencontrer. Elle aura carrément, parce que le camping du Métais, c'est spécial, ce sont des petits chalets, des petites maisons un petit peu originales. Et il y aura une exposition intérieure, l'exposition qui était d'ailleurs à la première édition, Scène paysanne. Il y aura l'exposition extérieure et ça sera l'occasion aussi de découvrir, de redécouvrir tous les albums qu'a fait Joël Coucheron. De la photographie, vous avez cité la conférence sur l'épinette des Vosges. Ça, ce sera le dimanche, là aussi au camping du Métais, pour rester sur ce lieu, parce qu'il y a aussi les jardins de Bernadette dont on va parler tout de suite après. Il y a aussi une projection du film Vosges, l'appel de la forêt. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Alors, c'est Jean-Pierre Valentin. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un autre membre, Alain Vaudet, qui est cinéaste, vidéaste, reporter. C'est quelqu'un qui a aussi parcouru le monde, notamment avec les Touaregs du Niger. Et il a fait un film sur les Vosges. Alors c'est un film un petit peu sur la vie, sur différents artisans. C'est un personnage, comme tous ceux qu'on a invités, ce que j'appelle des passionnés passionnants. Donc voilà cette projection, elle, qui aura lieu le samedi 2 septembre à 20h30. Donc Vosges, l'appel de la forêt. Et oui, effectivement, il y a un deuxième lieu, c'est les Jardins de Bernadette. Qu'est-ce qui va se vivre sur place alors ? Alors les Jardins de Bernadette, Éric Legros, donc le gérant du camping du Métais, fait partie de l'association qui organise les fameuses expositions du Haut du Taux. Et donc cette année, pour ceux qui n'ont pas encore vu, il y a une exposition de Yann Arthus Bertrand à voir. Et donc il nous a proposé proposé de prendre contact avec cette association et avec donc les gérants des jardins de Bernadette, qui sont des gens adorables, super accueillants. Et nous allons, en espérant qu'ils fassent beau, dans une petite clairière, juste à l'orée de la forêt, entre la forêt et les jardins. Nous allons accueillir deux personnages extraordinaires. C'est Gérard Lézère, qui est folkloriste et conteur alsacien, qui va nous parler un petit peu des légendes de cette région, et puis conter, comme il sait le faire. Et puis un deuxième personnage aussi absolument extraordinaire, qui a de nombreuses casquettes, c'est Karen Schickel. Alors Karen Schickel, elle est ethnologue, elle est écrivaine, et puis elle tient une auberge, l'auberge du Hannenbrunnen, et alors on mange un repas marquaire absolument extraordinaire. Et donc c'est un personnage qui est très très pris, très occupé. Elle a réussi à se libérer et ça, nous la remercions fortement. Elle va faire deux interventions, donc une où elle va nous parler de l'amadou. J'ai déjà assisté à cette présentation, c'est vraiment extraordinaire. On découvre des choses qu'on ne connaissait pas, parce que l'amadou, il y a des tas de légendes autour. Et puis, il nous parlera aussi de l'aspect thérapeutique, comment, tradition des Hauts-de-Vosges, on utilisait la manou de façon thérapeutique. Voilà, et puis elle interviendra aussi, donc ça sera le vendredi soir, après le lancement, enfin l'inauguration du festival. Elle va, parce que dans sa ferme-auberge, elle est marquaire. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que les marquaires, ce sont les éleveurs, notamment de bovins, qui vivent sur les Hauts-de-Vosges, qui fabriquent leur fromage, leurs propres produits. Bon, ça existe encore, ils font encore la transhumance. Elle le fait avec son auberge, donc c'est vraiment la personne adaptée pour nous en parler. Et à vous écouter, on se perçoit bien sûr que lors de ces trois jours, on va faire de belles rencontres, de belles personnalités qui seront présentes et qu'on va redécouvrir peut-être les Vosges sous un autre regard. C'est un petit peu l'objectif. Je mets toujours, quand j'annonce le festival, découvrir, puis je mets entre parenthèses heureux, parce que moi-même, j'ai pendant longtemps parcouru les Vosges, notamment dans ma jeunesse. Bon, mais tout ce qui est culture, tradition, c'est un petit peu un défaut qu'on trouve en Lorraine par rapport à l'Alsace ou à la Bretagne, des choses comme ça. C'est que la culture lorraine, elle est extrêmement riche. Enfin, quand je dis Lorraine, les Vosges, c'est un petit peu particulier, c'est encore quelque chose d'un petit peu à part, que ce soit côté versant vosgien ou alsacien. Et quand on parle des marquaires, moi ça fait très peu de temps que j'ai découvert ce mot. Et puis quand on voit les photos de Joël Coucheron, on a l'impression que c'est du noir et blanc, que c'était pris il y a très longtemps. Non, pas du tout, ça date des années 80, certains débuts des années 90. Et il y a encore des traces qui sont là. Et qu'il faut absolument redécouvrir et entretenir. Festival Voyage entre imaginaire et réalité destination Vosges, c'est donc les 1, 2 et 3 septembre. Exposition, conférences, concerts, spectacles, marché des produits locaux aussi, oui. Sur place, et l'entrée est libre. Ça aussi, c'est une volonté de... Alors, dès le départ, notamment au premier festival, qui était un gros festival, donc financièrement, ça a été un peu difficile, mais comme je vous ai dit, bon, on a profité de l'enthousiasme et de la solidarité de nos partenaires et des intervenants. Il faut savoir qu'il y a la plupart des intervenants viennent totalement bénévolement. Mm-hmm. Certains premiers festivals, celui qui venait le plus loin venait de Nice, c'est vous dire. Bon, là, cette année, ça sera un petit peu moins loin, mais ils jouent le jeu. Hein, ouais. Pour ouvrir au maximum, faire profiter de ce festival, eh bien, tout est entièrement gratuit. Bon, maintenant, bien entendu, on mettra un petit chapeau, hein, si les gens sont contents, satisfaits de ce qui... Et puis, bien entendu, les intervenants auront toujours leurs ouvrages, leurs CD à proposer au public. Quoi qu'il arrive, si on va du côté de Vagnès ce week-end au camping du Métay ou dans les jardins de Bernadette, on sera bien accueillis, j'imagine, les bras ouverts. Enfin, on espère un peu de soleil. Oui, mais enfin bon, les Vosges, bon, non, c'est une réputation qui est vraiment exagérée, hein. Mais je sais que j'ai des amis qui habitent dans le Midi qui, oh non, on va pas venir les Vosges, il pleut tout le temps. Bon, le versant lorrain est un petit peu plus arrosé que le versant alsacien. Mais bon, de toute façon, il est prévu, en cas de mauvais temps, il est prévu de se rabattre sur des lieux intérieurs. Donc, il y a pas, en plus, ce sont des lieux assez extraordinaires. Par exemple, au jardin de Bernadette, oui. C'est une grange grenier, donc, qui participe aussi à l'ambiance des contes. Destination les Vosges, donc, ce week-end. Merci beaucoup, Denis Aubry. Ben, c'est moi qui vous remercie. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net. Oh.